même s'ils sont tous morts, ils sont séropositifs. T'es voir si tu poses ici, Millet et tous les autres, en spermie y'a trop de liquide. Ça brûle les prods à tout va, y'a pas de débat politique. Pour les filles j'ai le zizi, pour le MC le missile. Le micro c'est comme une pipe qui a percé l'orifice. Pour les filles sera l'attentat, c'est chaud si t'as pas le mental. À 18 sur un morceau, on a tapé ton frontal. J'excelle, j'aime les boules moulées dans un diesel. J'excelle, j'aime les boules moulées dans un diesel. J'excelle, j'aime les boules, j'excelle, j'aime les boules. J'excelle, j'excelle, j'excelle, j'aime les boules moulées dans un diesel. J'excelle, mine les poules mouillées, c'est le dessert, le désert. Les MC, désert c'est le jazz, hein. Quand j'ai le mic, je les baise, ils se taisent, hein. Le flow du serpent, je m'en sers tant sur certains. J'ai le flow et la face déconcertante, c'est certain. En live, en concert sans, c'est die quand ça descend. Crime criminel, triste, flamme incandescente, c'est le 25 décembre, ça crame sans essence. Technique, lyrical, je veux pas, j'échange. Mille au millimètre, rime à des kilomètres, prime. Pour calculer mes faces, faut pratiquer géométrie électrique, tactique. Moi, je suis éclectique, tu trembles, t'es chelou, tu tapes des crises d'épilepsie. Mon pipi, les MC, le boivent comme du Pepsi. Si t'es moi, je connais un chirurgien au Mexique. Mon rap de la Mexime, souvent peu agressif. Mais quand je suis dans un poche, je fais péfli toute la tessie. Pressif ou MC, pourquoi tu t'excites? Ah si, j'ai vu ton stream, hey. T'auras t'es la plus sexy. J'écrase les gars, suspect, efficace à la Cassius Clay. Quand je suis en versus, crame, mon 16 n'est qu'un aperçu. Paix, faut pas persister. Et quand il s'agit de rap, je suis pépère. Si je t'aime, système des starbés, star de la débrouille, reste bouche bée. Meilleure manière de casser des bouches, casser les couilles. J'aime plus casser la croûte, tracer la cool. Vie bien qu'elle soit courte, qui pour atteste ma dirty ambiance. Soyez pas et qu'est-ce wow, y'a mauvaise entente. Viens creuser vos tombes, alertez les gens. Après le mur du son, viens crasser les gens. Sors, diligence, sport, militant. Corps et âme collés au bitume, j'vois pas ce qui est irritant. Dans les sales ambiances qui sont les plus méritants. Malgré les tempêtes sonores, quoi qu'il en prend. Nage avec les requins et les malfrats. Devant un bif ou un boule, arrondi on n'a pas le trac. Shoot comme au ball trap, drive by the gun. Tire dans la bedaine d'un véreux, onéreux. Comme la bas du gain, on est généreux. Heureux devant l'euro, héros devant l'erreur. On a souvent les mauvais rôles, ça pèpe nos honoraires. Très nos heures, crie mauvais horaire. Si j'avais le salaire à prime, je dirais merci. Mère, fils, pleure devant le système. Même si je plais au fond, j'ai la réussite. C'est du suspense, homme suspect, dealer à l'extrême. Ceux qui suspendent, faut les canner comme ceux qu'on passe suspect. Winchester. J'ai l'arme et la gestuelle. Hostel, torture, criminel, textuel. Pas de texte faible, pas de texte ferme. Minuit c'est l'heure du crime, dis-leur à l'excès.